on dit à la préfecture de police que des dispositions sont envisagées pour libérer le plus vite possible le palais des sports, où il y aura demain soir un récital du musicien noir Ray Charles. Le maximum, dit-on à la préfecture de police, le maximum sera fait pour dégager la salle en temps utile, mais il est nécessaire de trouver de nouveaux locaux disponibles. Vous savez qu'un certain nombre de manifestants arrêtés avant-hier à Paris sont renvoyés en Algérie. Les premiers d'entre eux sont partis cet après-midi d'Orly